L'ONU page internet du journal américain Los Angeles Times a présenté le 20 le numéro intitulé « La Corée du Nord opère du grand essor non seulement à l'industrie nucléaire, mais aussi à l'architecture ». L'auteur y indique que le dirigeant suprême coréen Kim Jong-un change l'aspect de la ville malgré la sanction internationale. Il a rapporté que sous sa direction, les avenues modernes comme l'avenue des scientifiques Mire, parcs aquatiques, parcs de distraction, stations de ski et autres excellents établissements de services publics pour le peuple et aérogares de l'aéroport international de Pyongyang sont construits majestueusement.